Inch'Allah, c'est le dernier cours. Ok? On commence. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on fait le cours numéro 8 dans l'usul al-salata et inshallah c'est le dernier cours, on complète l'explication Inch'Allah. Et le Cheikh, il dit, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, on est dans le troisième fondement maintenant, Ma'rifatul Nabi, qui est de connaître ton prophète, c'est-à-dire de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh, il dit à ce point, أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقٍ وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا أخذ حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه وبعثه الله للناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Donc le Cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Médine pendant 10 ans après avoir fait la hijra et il a appelé les gens à appliquer les règles de la sharia et de l'islam et puis par la suite il est mort salawatullahi wa salamuhu alayhi, mais sa religion est restée et il dit que voici sa religion, l'islam. Il n'y a pas un bien excepté qu'il l'a indiqué pour sa Ummah, et il n'y a pas un mal excepté qu'il a averti sa Ummah contre ce mal. Et le Cheikh il dit que le bien yani que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa Ummah ou a indiqué à sa Ummah, le premier c'est le Tawhid, et tout ce qui suit par la suite de ce que Allah aime et agrée. Puis le mal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a, contre lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti, c'est le shirk et tout ce que Allah déteste et refuse. Donc ça c'est la base. Puis après il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à tous les hommes, et il a ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les hommes et à tous les djinns de l'obéir. Hein? Et il dit la preuve de ça c'est le verset 158 dans Surat al-A'raf. Qul, hein, dit ô les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a complété sa religion par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 3, dans Surat al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Et j'ai parachevé pour, sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé comme religion pour vous l'islam. Et la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort dans le Coran, c'est le verset 30 et 31 dans Surat al-Zumar, certes tu vas mourir et eux aussi vont mourir, puis au jour de la résurrection, vous serez tous devant votre Seigneur à vous disputer, ou plutôt à régler vos comptes entre vous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le cheikh mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté pendant 10 ans à Médine avant de mourir, eh bien, le cheikh il mentionne un commentaire à ce sujet-là et il dit: بعد أن أكمل الله به الدين توفاه الله إليه بعد 10 سنين من الهجرة قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Donc le cheikh il dit que après que Allah a complété sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait mourir, c'est-à-dire il a pris son âme et il a ramené son âme vers lui, c'est-à-dire il a pris son âme, il est mort après 10 ans de la hijra, c'est-à-dire 10 ans après la hijra. Et après le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il continue dans Al-Usul al-Thalatha, il dit وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ, il dit que les hommes vont être ressuscités lorsqu'ils vont mourir, après leur mort Allah va faire ressusciter les hommes. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Le cheikh il dit, il mentionne que la preuve à ce sujet-là, au sujet de la résurrection, c'est le verset 55 dans sourate Taha. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et c'est de celle-ci que nous vous avons créé, c'est-à-dire nous avons créé de terre, et فيها نعيدكم, on vous remettra dans la terre quand vous allez mourir. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, et de celle-là, c'est-à-dire de la terre, on va vous faire ressortir encore une fois. وَقَوْلُهُ تَعَلَى وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا, c'est-à-dire, ça c'est les versets 17 et 18 dans surat Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il nous a fait pousser de la terre comme des plantes, puis il va nous faire retourner dans cette terre, et il va nous faire ressortir par la suite lors de la résurrection. وبعد البعث محاسبون ومجديون بأعمالهم. Il dit que après la résurrection, on va être jugé et on va être rétribué selon nos actions. La preuve de ça, والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Ça c'est le verset 31 dans sourate Al-Najm. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, pour qu'il donne à ceux qui ont ليجزي الذين أساءوا بما عملوا, pour qu'ils donnent ou qu'ils rétribuent ceux qui ont fait du mal selon ce qu'ils ont fait, et qu'ils récompensent ceux qui ont fait du bien par la meilleure récompense. Et il mentionne ensuite qu'il dit وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ, et quiconque a renié la résurrection, il a mécru, il a rejeté la foi. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Et la preuve que les hommes vont être ressuscités, et la preuve plutôt que celui qui nie la résurrection est un mécréant, c'est le verset 7 dans sourate Taghabun. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ceux qui ont mécru s'imaginent qu'ils ne seront pas ressuscités. Ça, c'est la preuve qu'ils sont mécréants. Dis, certes, par ton Seigneur, vous serez ressuscité, puis, on va vous informer de ce que vous avez, œuvré, et ça, c'est très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et au sujet de la résurrection, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il a mis quelques commentaires à ce sujet-là. Il dit, والناس إذا ماتوا يبعثون, كما قال تعالى, والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا قال سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فهم محاسبون مجزيون يوم القيامة يعطون كتبهم بأيمانهم وشمائلهم فالسعيد يعطى كتابه بيمينه والشقي يعطى كتابه بشماله والسعيد يرجح ميزانه والكافر يخف ميزانه أصحاب المعاصي على خطر فقد يرجح ميزانهم بالتوبة أو بعفو الله أو بالحسنات. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh ici? Il mentionne que les hommes vont être ressuscités, puis il mentionne les versets que le Cheikh a mentionnés dans le texte de Al-Usul al-Thalatha. Puis, puisqu'on les a traduits, on va juste passer à l'explication que le Cheikh Ibn Baz il donne juste après, avant de mentionner les versets. C'est que les hommes vont être jugés et ils vont être rétribués ou récompensés au jugement dernier. Et on va leur donner leur livre, un livre dans lequel les actions qu'ils ont faites dans ce monde vont être écrites. Soit on va leur remettre le livre par la main droite, ou on va leur remettre leur livre dans la main gauche, et donc celui qui a été heureux, il va recevoir son livre par la main droite, et celui qui était malheureux, il va recevoir son livre par la main gauche, et celui qui était heureux, c'est-à-dire celui qui a fait le bien, il va avoir une balance qui va être lourde, hein, et le mécréant, il va avoir une balance qui va être légère, et les gens qui ont fait des péchés, ça veut dire qu'ils sont croyants, mais qui ont fait des péchés, ils sont dans une situation dangereuse, parce que ça pourrait pencher d'un bord, d'un côté ou de l'autre, mais peut-être qu'à cause de leur repentance, ou à cause de du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou à cause des bonnes œuvres qu'ils ont fait, eh bien, c'est possible que leur balance va être plus lourde d'un côté, et donc qu'ils rentrent au paradis. Le Cheikh il dit ensuite, وَقَدْ يَخِفُّ مِيزَانُهُمْ فَيَكُونُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُعَذَّبُونَ فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُخْرِجُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بِسَبَبِ مَوْتِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ. Le Cheikh il dit, puis ça se peut que leur balance soit trop légère à cause de leur péché, et ils vont être dans l'enfer, ils vont être punis selon la durée de temps que Allah a décidé, puis Allah va les faire sortir de l'enfer par la suite, parce qu'ils sont morts sur l'islam, ils n'ont pas fait de shirk, donc ils ne vont pas demeurer éternellement dans l'enfer. فالواجب على كل مكلف أن يحذر سيئات العمل وأن يلزم التوبة والاستقامة لأنه لا يدري متى يهجم عليه الأجل أو يهجم عليه الأجل. Le Cheikh il dit que c'est obligatoire pour toute personne qui est responsable de s'écarter et de faire attention aux mauvaises actions. Et il doit constamment se repentir et essayer d'être droit, sur le droit chemin, parce qu'il ne sait pas quand est-ce que la mort va sauter sur lui, ou bien quand est-ce que la mort va venir, quand est-ce qu'il va mourir. فالحزم كل الحزم أن يأخذ المسلم بالعزيمة ويجاهد نفسه حتى يستقيم على الحق والتوبة النسوح من جميع الذنوب حتى إذا هجم عليه الأجل إذا هو على خير عمل وعمل الاستقامة فيفوز بالسعادة والنجاة يوم القيامة. Hein, la mort elle vient comme un voleur, comme on dit, hein, et donc tu sais jamais quand elle va arriver sur toi. Donc il dit que le musulman il doit prendre sa précaution, hein, il doit faire attention, et il doit lutter, il doit se forcer lui-même à rester droit jusqu'à la mort, hein, il doit essayer de lutter, de rester droit sur la vérité, et de se repentir régulièrement, de se repentir d'une repentance sincère de tous les péchés qu'il a pu commettre. Hein, comme ça, si la mort arrive à ce moment-là, hein, il est dans les bonnes œuvres et il est sur le droit chemin, hein, et sur la droiture, et donc il aura le succès du paradis et il sera sauvé au jugement dernier. Le Cheikh il dit ensuite, وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلُ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers comme annonciateur d'une bonne nouvelle et un avertisseur, comme des avertisseurs d'un châtiment. Et le cheikh il dit à ce sujet-là comme un commentaire, il dit والرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الناس إلى الجن والإنس كما قال تعالى يا أيها الناس إني رسول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي وهكذا الرسل جميعا أرسلوا إلى أممهم مبشرين ومنذرين من أولهم إلى آخرهم فأولهم نوح بعثه لما وقع الشرك في قومه وقبله آدم فإنه نبي رسول مكلف أرسله الله إلى ذريته ليعبدوا الله بالشريعة التي جاء بها أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام فاستمروا على الإسلام والاستقامة حتى وقع الشرك في قوم نوح ولما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك وكل أمة بعث الله إليهم رسولا. Le cheikh il dit que le messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est envoyé à tous les hommes et les djinns. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça dans le Coran, dans le verset 158, dans surat Al-A'raf, que Allah a dit, dis ô vous les hommes, je suis le messager pour vous tous, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Et il mentionne aussi dans le verset 28 dans surat Saba, Allah a dit, et nous t'avons envoyé pour tous les hommes comme annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur. Et il est le dernier des messagers, après lui il n'y aura pas d'autres. Il est le dernier des prophètes, après lui il n'y aura pas d'autres prophètes. Et de même que les messagers, tous les messagers sont tous envoyés comme avertisseurs et annonciateurs d'une bonne nouvelle à leur peuple, du premier jusqu'au dernier. Le premier d'entre eux c'est Nuh alayhi salam, c'est le premier prophète, le premier messager. Allah l'a envoyé lorsque le shirk est apparu dans son peuple. Et avant lui, il y avait Adam, parce que c'est un prophète d'Allah, et Allah à qui Allah a donné des responsabilités, des devoirs à respecter. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Adam à ses enfants pour qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec la charia qu'il a amenée pour eux, que Adam a amené, pour que les enfants d'Adam adorent Allah selon la loi et les règles de Adam, leur père. Puis ils sont restés comme ça sur l'islam et sur la droiture, tous les enfants d'Adam, jusqu'au peuple de Nuh alayhi salam. Donc quand le peuple de Nuh est arrivé, il y a eu l'apparition du shirk dans le monde. Lorsque le shirk est apparu dans le peuple de Nuh, Allah a fait envoyer Noé alayhi salam, et c'est le premier messager sur la terre. Parce qu'après que le shirk est apparu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à chaque nation un messager. Il y a des nations qui ont reçu des messagers, mais on n'a aucun souvenir ou aucun rappel du fait qu'ils ont reçu un messager. Mais tous les peuples ont reçu un messager pour leur dire d'adorer Allah et de s'écarter du Tahout et de cesser d'adorer le Tahout et les idoles. Après le cheikh il dit فعاد أرسل الله إليهم هودا ثم أرسل الله صالحا إلى قومه ثمود ثم أرسل إبراهيم ولوطا وشعيبا إلى في زمن متقارب ثم جاءت الرسل بعد ذلك فترة وفيهم موسى وهارون وعيسى وأيوب وداود وسليمان ثم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام. Le cheikh il dit que Allah a envoyé à Hud le prophète Ad, et il a envoyé Salih au peuple de Thamoud, à son peuple de Thamoud, et il a envoyé Ibrahim et Lot et Shu'aib à une époque très rapprochés, ils étaient presque à la même période. Et Lot était à l'époque de Ibrahim. Donc ils étaient dans une période, un temps très proche. Puis par la suite, les prophètes se sont succédés les uns après les autres. Hein? Et parmi eux, Moussa et Haroun. Et après Isa, et avait, c'est-à-dire pas un ordre, c'est pas un ordre chronologique, mais le cheikh il est mentionné, il dit, et Isa, et Ayyub, et Daoud, et Sulaiman, et le dernier d'entre eux, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et la preuve, le cheikh il dit, la preuve de ça, hein, ça c'est le texte du cheikh Mohammed Abdul Wahab, quand il dit que Allah a envoyé les messagers, tous les messagers comme des annonciateurs et des avertisseurs. Il dit la preuve de ça, c'est dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Rusulan mubashirina wa munzirin li'an la yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul. OK, ça c'est le verset 165 dans sourate An-Nisa. Rusulan, c'est-à-dire des messagers qui sont venus annoncer une bonne nouvelle et avertir contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pas qu'il y ait d'excuses au jugement dernier, hein, pour que les gens n'aient pas d'excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala après que la preuve des messagers a été établie. Une fois que la preuve des messagers a été établie, les peuples n'ont plus d'excuses, hein, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le but. Et il dit wa awwaluhum Nuh alayhi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Donc le premier messager c'est Nuh et le dernier messager c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Il dit thumma خاتم لازم الشيخ بن باز يكتيك عن بوين سي إلزي ثم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتمهم وآخرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقوله مبشرين يعني يبشرون أو يبشرون من أطاعهم بالجنة ومنذرين يعني ينذرون الناس من الشرك بالله ومن النار والعذاب الأليم إذا خالفوا أمر الله وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا ونذيرا كما قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Donc le cheikh Ibn Baz il explique, il dit que le dernier des messagers, c'est le prophète Muhammad alayhi salam, et c'est celui qui a scellé la prophétie, c'est lui qui est le sceau des prophètes. Il vient pour terminer la prophétie, et c'est le dernier d'entre eux et le meilleur d'entre eux, alayhi salam. Et il dit le cheikh que, donc il répète le verset, Rusulan mubashirin wa munzirin, des messagers qui sont annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs contre un châtiment, et il dit c'est pour que les hommes n'aient plus d'excuses ou de preuves ou d'arguments devant Allah subhanahu wa ta'ala après que les messagers ont été envoyés. Et mubashirin, annonciateur d'une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils annoncent à ceux qui les ont envoyés qu'ils auront le paradis. Et munzirin, avertisseur, c'est-à-dire que ils avertissent contre le shirk, ils avertissent les hommes contre le shirk. Ils avertissent les hommes contre le feu de l'enfer et contre un dur châtiment si les hommes désobéissent au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même que Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme avertisseur, comme annonciateur d'une bonne nouvelle et comme avertisseur. Et il dit le Cheikh, kama qala ta'ala, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, on t'a envoyé comme témoin et annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur, et comme un inviteur, quelqu'un qui invite à Allah subhanahu wa ta'ala par sa permission, et une lanterne éclairante. Wa sirajan munira. Et ça c'est le verset 45 à 46. D'accord. Et il continue avec d'autres versets, il dit, wa qala ta'ala, ma kana muhammadun aba ahadim min rijalikum, ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Il dit dans le verset 40 dans sourate Al-Ahzab que Allah subhanahu wa ta'ala dit et Muhammad n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, toutefois il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Et il dit فالواجب على جميع الأمم اتباع رسلهم فكل أمة يجب عليها أن تتبع رسولها وأن تنقاد لما جاء به من الهدى وقد عدوها وقد وعدها الله على ذلك السعادة في الدنيا والآخرة وأكثر الخلق قد عصوا رسلهم قد عصوا رسلهم وخالفوا ما جاءت به الرسل. Le chef il dit que l'obligation pour toutes les nations c'est de suivre leurs messagers. Toutes les nations, hein, toute nation a l'obligation de suivre leurs prophètes et de se soumettre à la guidance qu'ils ont amenée. Et Allah a promis à ceux qui font ça qu'ils auront le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Mais la plupart des créatures ont désobéi à leurs prophètes et à leurs messagers. Et ils ont contredit ce que les messagers ont apporté. Le cheikh il mentionne quelques versets, il dit قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين verset 103 dans surat Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala il dit et la plupart des gens ne sont pas croyants même si tu en as le désir ardent même si tu as le désir de les voir être croyants la plupart des hommes ne croiront pas hein? Et il dit وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله verset 116 dans surat Al-An'am dit, et si tu obéis à la grande majorité des gens sur la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Hein? Et il dit dans le verset 13, dans surat Saba, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ يَشَكُرُ et peu d'entre mes serviteurs sont reconnaissants. Et il mentionne aussi dans le verset 20, dans surat Saba, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَارِيقًا من المؤمنين نعم صلى الله عليه وسلم dans surat Saba et Satan a certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard hein, ce qu'il avait pensé à leur égard ils l'ont suivi donc sauf un petit groupe parmi les croyants donc qu'est-ce que Shaitan avait pensé déjà ça s'est avéré vrai hein, que la plupart des hommes l'ont suivi excepté un petit groupe parmi les croyants hein. Donc ça veut dire que les croyants sont toujours moins nombreux que les non-croyants. Donc ça c'est à ce sujet-là. Puis après le cheikh il dit وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ. Donc le cheikh il dit le verset il dit que la preuve que le premier des messagers c'est Nuh alayhi salam c'est le verset 163 dans surat An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et nous avons révélé vers toi ou révélé à toi comme nous avons révélé à Noé hein, et aux prophètes qui sont venus après lui. Donc ça c'est une preuve que Noé c'était le premier d'entre les messagers. Wa kull umma ba'atha Allahu ilayha rasulan. Cheikh Mohammed Abdul Wahhab dit wa kull ummatin ba'atha Allahu ilayha rasulan min Nuh ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu wa yanhahum 'an ibadati at-taghut. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Le cheikh il dit que dans toutes les nations, Allah a suscité un messager hein, pour à partir de Noé jusqu'à Mohammed صلى الله عليه وسلم pour leur ordonner d'adorer Allah سبحانه وتعالى lui seul et pour leur interdire d'adorer le طاغوت. Et le cheikh il a mentionné la preuve à ce sujet-là, il mentionne le verset 36 dans surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et la preuve à ce sujet-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous avons suscité à chaque nation, dans chaque nation, un messager pour dire aux gens, adorez Allah et écartez-vous du tarot. Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire le tarot. Et le cheikh à ce sujet-là, il donne deux points, ou deux clarifications. Le premier, à propos du fait que les messagers ont ordonné aux hommes d'adorer Dieu seul. Il dit, Cheikh Ibn Baz, il dit à ce sujet-là, « وَكُلُّ رَسُولٍ يَدْعُوا أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَتَرْكِ الشِّرْكِ بِهِ وَمَعْصِيَتِهِ قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله يعني أطيعوه ووحدوه واستقيموا على دينه واجتنبوا الطاغوت الشيخ explique il dit que à ce point là que chaque messager a ordonné ou a invité sa nation à au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala à son unicité et à son obéissance et à abandonner le shirk et la désobéissance et le péché. Et il mentionne le verset qu'on a mentionné, que Allah a fait susciter dans chaque nation un messager pour dire à leur peuple, adorez Allah et écartez-vous du tagut. Le cheikh il dit, le verset, dans le verset, Allah dit, Ubudullah, c'est-à-dire adorez Allah, c'est-à-dire obéissez à Allah et unifiez Allah subhanahu wa ta'ala dans votre adoration, et mettez-vous sur le droit chemin dans sa religion, et écartez-vous du tagut. La deuxième note que le cheikh Ibn Baz fait à propos de ce passage, c'est quand il dit, à propos du tagut, qu'est-ce que c'est le tagut? Donc le cheikh il dit, « Wa tagut, huwa kullu ma ubida min dunillahi, wa huwa radin, wa kullu man hakama bi ghayri ma anzal Allah, au da'a ila zalik. » Le cheikh il dit que le tagut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait de ça. Et toute personne qui juge selon autre que ce que Allah a révélé ou qui appelle les autres à faire cela. Et il dit wa tagut huwa alladhi yatajawazu al-hadd imma bi shirkihi wa kufrihi wa imma bi da'watihi ila dhalik wa sharrihim وشرهم ورأسهم إبليس لعنه الله وهكذا كل من دعا إلى عبادة نفسه أو رضي أن يعبد من دون الله كفرعون والنمرود أو ادعى شيئا من علم الغيب كالكهنة والعرافين والسحرة في الجاهلية وفي الإسلام وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا Le cheikh il dit que le tagut c'est, comme on l'a dit, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est satisfait de ça, ou qui toute personne qui juge selon autre que ce que Allah a révélé, ou qui appelle les gens à ça. Et le tagut c'est yani, celui qui dépasse la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit en faisant le shirk ou le kufr, ou soit en appelant les gens à ça. Et le pire des tawarites, le tawarite c'est pluriel de tarout, et le pire des tarouts, et le chef des tarouts, c'est le diable, c'est Iblis. La'anahullah. Et de même que toute personne qui appelle les hommes à l'adorer. Donc toute personne qui dit aux gens adorez-moi, lui aussi c'est un tarout. Et toute personne qui est satisfait qu'on l'adore en dehors d'Allah. Quelqu'un, il se fait adorer par les hommes, même s'il n'a pas demandé, même s'il n'a pas dit aux gens adorez-moi. Si les gens l'adorent, puis lui il est content de ça, alors c'est un tagut. Comme par exemple Pharaon et Nimrod, deux rois, le roi de l'Égypte et l'autre c'est Nimrod, c'était dans la région de la Babylonie à l'époque de Ibrahim, alayhi salam. Et Awidda'a shay'an min ilm al-ghayb. Ou bien quelqu'un qui prétend connaître les connaissances de l'avenir ou de l'invisible, hein, comme par exemple les Qur'an, hein, les gens qui prétendent connaître l'avenir, les devins et les trucs de ce genre, ou bien les sorciers, hein, et les sorciers et les gens qui disent médium ou devin ou autre chose de ce genre. Le cheikh il dit que ces gens-là font partie des tawarites. Et il dit aussi, la personne qui juge selon autre que ce que Allah a révélé, intentionnellement et volontairement, il dit ceux-là font partie des tawarites. Puis dans le charh que j'avais fait, dans l'autre charh dans le sourate Salata, j'avais mentionné une clarification au sujet du Tawarut ici, parce que tu sais, il y a des gens qui appellent les Tawarites, c'est-à-dire les dirigeants musulmans qui ne jugent pas selon la loi d'Allah, et ils les déclarent kuffars, et ils se basent sur ça en disant que ce sont des Tawarites. Donc si ce sont des Tawarites, ils disent que c'est des kuffars. Et en réalité, ça ne veut pas dire que ce sont des kuffars. Parce que quelqu'un peut être un Tawarit, hein, sans qu'il soit kafir nécessairement. Hein, comme on voit des exemples que ici, il y a les catégories de gens qui jugent selon autre que la loi d'Allah, comme par exemple les ulama, ils ont classifié le fait que quelqu'un juge selon autre que la loi d'Allah. Il y a des cas et il y a des catégories à ce sujet-là. Et comme par exemple les ulama, ils disent qu'il y a une catégorie de gens qui jugent par autre que la loi d'Allah qui est un kufr majeur. Puis il y a des catégories de gens qui jugent par autre que la loi d'Allah, qui est un kufr mineur. Et donc, il y a par exemple des exemples, comme le kufr majeur, c'est environ trois exemples. La personne qui croit qu'une loi autre que celle d'Allah est meilleure, il est kafir, il a quitté l'islam. Ou bien celui qui dit non, c'est pas meilleur, la loi des êtres humains qui est contraire à l'environnement, c'est pas nécessairement meilleur, mais c'est équivalent, c'est pareil. Celui-là aussi il est kafir, il est dehors de l'islam. Le troisième, c'est celui qui dit non, c'est pas meilleur et c'est pas équivalent, mais on a le droit de juger par autre que la loi d'Allah, c'est permis de juger par une autre loi que la loi de l'islam. Et lui aussi il est kafir, il est sorti de l'islam. Hein? Excepté s'il est ignorant de certaines catégories de ces choses-là, puis ça c'est l'application de ce verdict-là sur ces gens-là. Bien entendu, il faut que on retourne aux conditions et aux règles à ce sujet-là, bien entendu. Et il y a une autre catégorie, c'est quelqu'un qui juge par autre que la loi d'Allah, il sait que c'est haram de faire ça, il sait qu'il est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que la meilleure loi c'est la loi d'Allah, qu'il n'y a rien d'équivalent à la loi d'Allah, et que c'est haram de juger par une autre que la loi d'Allah, toutefois il suit sa passion, ou bien il fait ça parce qu'il aime l'argent, ou bien il fait ça parce qu'il veut avoir un poste, et il cherche à plaire à des gens, dans le sens que on lui dit, si tu me donnes par exemple le gain dans le jugement, dans le verdict, eh bien je vais te donner une somme d'argent, ou je vais te donner une position, etc. Donc la personne, elle juge par autre que la vérité pour faire plaisir à cette personne-là, dans le sens pour avoir quelque chose de la dunya, hein. Et donc dans ce cas-là, il n'est pas en dehors de l'islam. Son kufr est un kufr mineur, comme les ulama l'ont expliqué dans les livres de tafsir et dans les livres de aqidah, etc. Et donc le tawarut, ça peut être un tawarut dans le sens qui est kafir akbar, ou ça peut être un tawarut aussi dans le sens qu'il est kafir mais kufr asrar, hein, si c'est le cas de celui qui juge par la loi d'Allah, par ses passions et non pas parce qu'il rejette ou il nie le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après le cheikh il dit que ceux-là qu'on a mentionnés, c'est les têtes, les têtes ou les chefs des catégories de tawarit. وَكُلُّ مَنْ جَاوَزَ الْحَدِّ وخرج عن طاعة الله يسمى طاغوت. Toute personne qui dépasse la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sort de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'appelle طاغوت. Comme par exemple quelqu'un qui ordonne à quelqu'un de faire le péché. Il ordonne le péché aux gens. Sans le rendre halal, sans dire que c'est permis. Eh bien, c'est un طاغوت. Mais ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Comme un père, par exemple, qui dit à sa fille, je veux pas que tu mettes le hijab. Hein? Ça, c'est, il ordonne le péché. Est-ce que tu as dit qu'il est dehors de l'islam parce qu'il a interdit à sa fille de mettre le hijab? Tant qu'il dit oui, le hijab c'est obligatoire, mais j'ai peur que si tu sors dehors, il va t'arriver quelque chose. Hein? C'est pas une bonne excuse, mais tu peux pas dire qu'il est kafir dans un cas pareil. Donc, ça c'est un exemple. Et le cheikh, il dit, kullu man jawaz al-had. وخرج عن طاعة الله donc يسمى طاغوتا on l'appelle طاغوت. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 256 dans sourate al-Baqara قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Donc قد تبين الرشد من الغي فالرشد الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والغي الكفر بالله والضلال. الشيخ يقول الله سبحانه وتعالى يقول إنه لا contraintes en religion car la droiture a été clarifiée par rapport à la déviation et l'égarement. Et le cheikh il dit que la droiture c'est l'islam et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, et que l'égarement c'est le kufr et l'égarement. Le kufr, la mécréance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'égarement. Donc le cheikh il dit قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Ça c'est la suite du verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque a mécru ou a rejeté le taghout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qui a cru en Allah, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Et Allah est certes audient et omniscient. Après il dit وافترض الشيخ محمد عبد الوهاب, il dit ah non c'est pas fini. Le cheikh Ibn Baz il continue son explication à ce sujet-là. Il dit فيكفر بالطاغوت يعني يتبرأ منه ويعتقد بطلانه فيتبرأ من الشرك. Donc il rejette le taghout, ça veut dire qu'il se désavoue du taghout et il croit que le taghout est faux. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah c'est faux et il se désavoue du shirk. ويؤمن بالله, et il croit à Allah, يعني ça veut dire يصدق أن الله معبوده وإلهه أن الله معبوده وإلهه الحق ويؤمن بالشريعة وبمحمد صلى الله عليه وسلم وينقاد لذلك هذا هو المؤمن. Et il dit que après il rejette le taghout et il croit en Allah, c'est-à-dire il croit que Allah c'est lui qui est le seul qui mérite d'être adoré, que c'est lui qui est adoré en vérité, et il croit en sa loi et en sa sharia, et il croit que Muhammad صلى الله عليه وسلم est son messager, et il se soumet à ça, hein, et il croit en ça. Ça c'est le vrai croyant. Après il dit بالعروة الوثقى فقد استمسك يعني استعصم بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله كلمة التوحيد يعني فقد استمسك بالعروة التي لا انقطاع لها بل من استمسك بها صادقا واستقام عليها وصل إلى الجنة والكرامة لأن لها حقوقا وهي توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. Le cheikh il dit donc quiconque s'est accroché, hein, c'est ça que ça veut dire, à l'anse la plus solide, hein, quiconque faqad istamsaka, quiconque a mécru au taghout et a cru en Allah, il s'est accroché à l'anse la plus solide. Et l'anse la plus solide c'est la ilaha illallah, la parole du tawhid. C'est ce que ça veut dire l'anse la plus solide. Et le cheikh il dit que donc celui qui s'est accroché à cette anse ou à ce témoignage, eh bien, il sera pas coupé, il n'y aura pas de coupure dedans, hein, l'anqata alaha. Et il dit donc, s'il s'y accroche avec sincérité et qu'il se met droit sur cette parole-là, il arrivera au paradis. Il arrivera au paradis. لأن لها حقوقا وهي توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. Donc cette anse-là, elle a des droits. Et ces droits, c'est le tawhid d'Allah. Et c'est l'obéissance. Et son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de suivre la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, وَمُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هُوَ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ إلى جميع أهل الأرض من الجن والإنس فيجب على جميع المكلفين طاعته واتباع شريعته ولا يجوز لأحد الخروج عنها وجميع الشرائع الماضية كلها نسخت بشريعته عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع الآية وقال قبلها سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو إلا كان من أهل النار أخرجه مسلم في صحيحه والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يسع أحدا من هذه الأمة الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن من اعتقد ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة نسأل الله العافية والسلامة لشيخ ensuite que محمد صلى الله عليه وسلم est le dernier des messagers, des prophètes et messagers et c'est le messager d'Allah à toute la terre pour les djinns et les hommes et il est obligatoire à tous les êtres qui ont atteint la puberté et qui ont leur raison d'obéir au prophète et de suivre sa charia et il n'est pas permis à personne d'en sortir et toutes les autres lois qui étaient révélées avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont été abrogées par la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le cheikh il dit comme Allah azza wa jal a dit dans le Coran dans le verset 158 dans surat al-A'raf dit ô vous les hommes, dit aux hommes, ô vous les hommes, je suis pour vous le messager d'Allah. C'est-à-dire, je suis pour vous tous le messager d'Allah. C'est-à-dire, il est venu pour tous les êtres humains. Et personne donc n'a le droit de sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et juste avant ce verset-là, le verset 157, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset qui précède celui qu'on vient juste de mentionner, ok, 158. Juste avant ça, ceux qui croiront en lui, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est dirigé vers les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ce verset-là. Le verset 157 dans Surat al-A'raf, c'est par rapport aux chrétiens. Ceux qui croiront en lui le soutiendront et porteront secours. Lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Donc ça veut dire que les chrétiens, ils doivent suivre la vérité qui vient du prophète sallam, croire en lui, le soutenir et lui porter secours, et suivre la lumière qui a été descendue avec lui, c'est-à-dire le Coran, et ceux-là seront les gagnants. Tandis que ceux qui ne font pas ça, bien entendu, ne seront pas parmi les gagnants. Et le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, rapporté par l'imam muslim dans son sahih, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par celui qui tient mon âme entre sa main, nul juif ou chrétien n'entend parler de moi et meurt sans avoir cru en moi, excepté qu'il sera parmi, ou sans croire en ce que j'ai apporté comme message, excepté qu'il sera parmi les gens du feu. Donc ça veut dire que si un juif ou un chrétien entend parler de l'islam et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il meurt sans avoir cru en l'islam, il sera parmi les gens de l'enfer. Parce que c'est obligatoire pour tous les hommes de croire en l'islam, et non pas seulement à une catégorie parmi les hommes, ou à un peuple parmi les peuples, ou une nationalité parmi les nationalités, mais c'est à tous les hommes à croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peu importe leur origine, ou leur culture, ou leur tradition. Et s'ils sont juifs ou chrétiens, c'est la même chose. C'est pas parce qu'ils ont reçu un livre auparavant qu'ils ont le droit de ne pas suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, ils sont obligés aussi de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les versets et les hadiths à ce sujet-là sont nombreux. Et les savants sont tous d'accord pour dire que personne n'a le droit de sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'est excusé de sortir de sa charia. C'est celle qui est venue pour abroger toutes celles qui étaient là auparavant. Donc personne ne peut dire « je suis une charia qui était venue auparavant » et « je suis un prophète qui est venu auparavant ». Non, il n'y a plus de choix aujourd'hui pour suivre un prophète, excepté le dernier d'entre eux, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh dit « quiconque croit qu'il est permis pour quelqu'un de sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il a mécru d'une mécréance majeure qui le fait sortir de la religion de l'islam. » Sallallahu alayhi wa sallam, on demande à Allah de nous protéger. Et il dit, وافترض الله, le Cheikh Mohammed ibn Wahhab dit, وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à tous les serviteurs de rejeter la foi, c'est-à-dire de mécroire ou de rejeter le tagout et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim. Il dit pas à l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرة رؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها اوكي وهذا معنى لا إله إلا الله donc le cheikh il explique qu'est-ce qu'on a expliqué auparavant c'est tout ça on l'a expliqué dans le passage qui a précédé c'est-à-dire que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il explique que le taghut c'est toute chose par laquelle le serviteur d'Allah dépasse sa limite, qu'il soit adoré ou suivi ou obéi. Hein? Donc si quelqu'un dépasse la limite dans le fait dans l'adoration, ou dépasse la limite dans le sens qu'il se fait suivre par les gens dans ce qui est contraire à l'obéissance d'Allah, ou il se fait obéir dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un taghut. Et yani, les catégories de tawahid sont nombreuses, mais les plus importantes sont cinq catégories. La première c'est Iblis, la'anahullah, c'est le diable. Le deuxième c'est toute personne qui était adorée et qui est satisfait d'être adorée. Le troisième c'est celui qui appelle les hommes à ce que les hommes l'adorent, il veut que les gens l'adorent. La quatrième c'est celui qui prétend connaître quelque chose de l'invisible ou de l'avenir. Et le cinquième, c'est toute personne qui juge selon autre que ce que Allah a révélé. Et la preuve de qu'on doit rejeter le taghut et qu'on doit croire en Allah, c'est en fait dans le verset 256 qu'on a lu tout à l'heure, il n'y a pas de contraire en religion, la droiture a été clarifiée par rapport à l'égarement, et quiconque donc a mécru au taghut et a cru à Allah, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas, ou qui ne va pas se casser ou se briser. Et c'est-à-dire, ça c'est la signification de la ilaha illallah. Ça, c'est ce verset-là, c'est la signification de la ilaha illallah. Comme on a dit tout à l'heure, ou dans un autre cours précédemment, que la ilaha illallah, elle a deux parties. Une partie c'est la négation, et l'autre partie c'est l'affirmation. Hein, donc tu nies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, donc tu nies le taghut et tu crois en Allah, tu affirmes ta foi en Allah seul et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Donc c'est exactement ça quand on dit « فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ » Tu rejettes le taghut et tu crois en Allah. C'est comme si tu disais « La ilaha » et puis après tu dis « Illallah ». C'est exactement la même chose. Et ensuite il dit « وَفِي الْحَدِيثِ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةِ وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله الحديث du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit que la tête de cette religion c'est l'islam puis le pilier c'est la salat et puis la plus haute partie de la bosse c'est le jihad في سبيل الله c'est-à-dire si on comparait l'islam à un chameau et bien ce serait ça que la tête du chameau c'est l'islam et le cou, hein, c'est la prière qui tient la tête, et le plus haut niveau de la bosse c'est le djihad, parce que c'est le plus haut niveau de l'effort que quelqu'un peut faire dans la religion. Le cheikh il explique ça, ce hadith-là, il dit, « وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله فعلى جميع المكلفين أن يوحدوا الله ويعبدوه دون كل ما سواه وأن يكفروا بالطاغوت وأن يكفروا بالطاغوت وينكروا عبادته ويلتزموا بالتوحيد واتباع شريعته سبحانه وتعالى وتعظيم أمره ونهيه. Le chef dit donc tous les serviteurs qui adorent Allah et qui sont mukallafin, qui ont atteint l'âge de raison et qui ont atteint l'âge de puberté et qui ont leur raison, ils doivent unifier Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer lui seul, en dehors de tout, en dehors de toute autre créature, ils ne doivent pas adorer rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et ils doivent rejeter et renier le Tahout, hein, et renier son adoration, et renier l'adoration du Tahout, et ils doivent s'accrocher au Tawhid et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et suivre sa sharia subhanahu wa ta'ala, et avoir du respect pour ses ordres et ses interdictions, c'est-à-dire respecter l'ordre d'Allah et l'interdiction. Et il dit le cheikh ensuite, et la tête de cette religion, hein, c'est l'islam. رأس الدين هو الإسلام يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمن التزم بها دخل الإسلام. Il dit la tête de cette religion c'est l'islam, ça veut dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quiconque s'accroche à ça et suit ça, il respecte ça, il est entré dans l'islam. وعموده الصلاة وهي الركن الثاني وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين ثم يلي ذلك الزكاة والصيام والحج وبقية الأوامر أو بقية أوامر الله. الشيخ الزي que son pilier par la suite c'est la salat, c'est-à-dire c'est le deuxième pilier de la religion, et c'est un des plus grands piliers après les témoignages de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et ensuite il y a la zakat, et ensuite le jeûne, et ensuite le hajj, et ensuite tous les autres ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit « وَذِرْوَةُ سَلَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَنَّ بِهِ صِيَانَةُ الدِّينِ وَحِمَايَتُهُ به صيانة الدين وحمايته وحمايته وبه دعوة الناس إلى دين الله والتزامهم بالحق وهو ذروة سلامه من جهة ما تضمنه من حماية الدين والدعوة إليه والدعوة إلى الحق والله أعلم. الشيخ الزي que c'est le jihad qui est la plus haut, le plus haut point de la religion. Pourquoi? Parce que c'est la protection de la religion. Hein? C'est bien beau d'avoir une religion, mais si on ne peut pas la protéger, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elle va rester? Il n'y a rien qui peut la préserver. Donc il faut la protéger. Et ça, c'est par le djihad. Et c'est aussi dans le but d'appeler les hommes à la religion et de les amener vers la vérité. Hein? Et ça, c'est bien entendu par le djihad. Et par le fait qu'on appelle aussi les gens à l'islam. Et le but du djihad, c'est pour l'islam, pour établir la da'wah, hein, pour établir la da'wah. Et il dit ensuite, donc c'est le plus haut point du fait que c'est la protection de la religion, et c'est pour appeler les hommes à la vérité, Wallahu a'lam. Et après, le cheikh Mohamed Abdelwahab, il termine le livre en disant, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et donc ça c'est la conclusion de ce livre. Et on dit الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله. Donc on a complété ça, ce livre là ensemble, et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce livre sera bénéfique pour nous, et qu'on puisse répondre aux questions que les anges vont nous poser dans notre tombe au jugement dernier, quand ils vont nous demander qui est notre Dieu, quelle est notre religion et qui est notre messager, et qu'on pourra répondre correctement. Donc on s'arrête ici. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.